Et voici deux petits déjeuners. Merci. Et l'addition, s'il vous plaît. Oui, voilà. 13,90€. On laisse un pourboire pour la serveuse? Tu penses? Combien? Je ne sais pas. 2€? D'accord.